vous écoute. Oui, allez-y. C'est Sulfurix. Bravo, vous avez gagné des places de cinéma. Enfin, non, pas vous, mais ceux qui nous ont appelés au 3210. Si, moi aussi. Ah oui, ah bon ? Bah, moi, j'avais la réponse. Écoutez, je vais essayer d'intercéder en votre faveur, mais je ne suis pas sûr que le tsar d'RTL, Nicolas Taverneau, acceptera cette demande. Enfin, on va voir si on peut. De Tavernox. Oui. Oh, bah, bien, ah, bah voilà, bah, vous, voilà, vous, tiens. Ou de Tavernix, si vous voulez. Dites donc, je me suis fait mal au pied parce que je vous ai fait une passe avec le ballon d'or. C'est lourd d'autres histoires. Effectivement, oui. Il y a la sortie d'Astérix qui est quand même l'événement cinématographique de cette fin d'année. Et puis il y a le ballon d'or qui rentre maintenant dans le studio Yves Calvix. Voilà. Le vrai ballon d'or, vous rendez compte, on va pouvoir le toucher. Voilà, il arrive. Il y a un superbe monsieur qui le tient. Il vient se déposer juste à côté de moi. Regardez comme il est beau. Ah, il va se régaler Modric quand il rentre les mains dans quelques jours, dans ce vote secret. C'est super. Bon, en tout cas, on est ravis et c'est génial de pouvoir vivre cet événement-là. Cool, hein. Il est magnifique. Hein. Wow. Bon, bah, amusez-vous bien. Je vous rappelle que c'est pas un ballon de basket. Hein. Tu te rends compte qu'en 53 ans, j'ai jamais eu une récompense. Il faut que ça soit celle-là maintenant. Enfin, bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne émission, on vous écoute avec plaisir. Allez, on fait une petite photo parce qu'on est très fiers. Oui, le ballon d'or, oui, mesdames et messieurs. Voilà. Le vrai. Non, mais attendez, c'est pas rien de pouvoir se dire quand on est fan de foot qu'on aura. Regardez, juste caresser comme une jolie femme le ballon d'or comme ça. Ouais. Ouais, j'en ai connu, c'est aussi lourde. Allez, c'est parti, on y va. Sensualité incroyable. Ah oui, mais je sais faire de la sensualité, même avec le sport, monsieur Calvi. Alors vous allez voir que très sensuel également, c'est ce qui arrive à Véronique. Je vous appelle de Seine-Saint-Denis. On est passé par une annonce de voyage pour nos vacances d'été. Et au retour, on a vécu un véritable cauchemar. On a même dû dormir à même les sièges de l'aéroport. Et nous sommes revenus à Paris avec 15 heures de retard sur l'horaire initial. Et depuis, l'agence ne nous indemnise pas. 15 heures de retard. Il y aura un coup de gueule, bien sûr, de Bernard Sabat. Il y a également Jean-Philippe qui nous dira ceci. Je vous appelle de Lyon. J'ai déjà versé plus de 30 000 euros pour des travaux de rénovation qui ont débuté au mois de juin 2016. Depuis le mois de juillet 2018, plus personne ne vient sur le chantier. J'ai bien entendu le démarrage. D'où appelle-t-il ? Je vous appelle de Lyon. De Lyon, d'accord. Eh bien, c'est Tarzan qui nous donc livrera son cas dans quelques instants. On reviendra sur pas mal de cas. Mais voici tout de suite, maintenant, l'équipe qui va vous accompagner. Elle a le ballon d'or de la meilleure avocate, c'est Maître Fellonneau. Ballon d'or du meilleur négociateur, Bernard Sabat. Ballon d'or de la meilleure équipe, JB, Charlotte, Céline, les équipes d'Alain Hazard. Ballon d'or de la meilleure réalisation, Xavier Kassovitch. Vous écoutez le 9h30-11h d'RTL. Fais rapidement une déclaration parce que j'ai le ballon d'or à côté. Pour ceux qui ne le voient pas, puisque c'est de la radio, c'est bien normal. Voilà, très content parce que moi, le but, il fallait marquer un de plus que l'adversaire. Et c'est le principe de football. Et on l'a marqué, quoi, il avait dit, il a joué le 4-2. Très rapidement, on s'est aperçu que la possession du ballon, c'était sur le corner. Et là, le bar, il a fermé. J'ai dit à ma femme, c'est plus possible. Voilà, fin de ma déclaration. J'accueille Véronique. Véronique, bonjour. Bonjour, Julien. Alors, ma Véronique, vous ne vous intéressez pas au football ? Pas trop, non. Votre mari peut-être s'intéresse au football. Un petit peu. Eh bien, vous lui direz que son épouse est passée sur RTL le jour où le ballon d'or était dans le studio. Véronique, allez-y. Nous allons parler de votre voyage qui s'est mal passé. Nous allons tout faire surtout pour vous aider. Nous vous écoutons. Ben voilà, en fait, en janvier 2018, on a réservé un voyage avec hôtel et avion compris dans une agence de voyage pour le mois de juillet pour aller à Rhodes, en Grèce. C'est un voyage qui nous a coûté un peu plus de 3000 euros. Et en fait, le voyage s'est bien passé. Le séjour à l'hôtel aussi, c'était super. En revanche, le retour, ça a été un cauchemar. En arrivant à l'aéroport, donc deux heures avant le décollage, on nous annonce qu'il y a eu une panne informatique, que l'enregistrement du coup sera effectué à la main et qu'il sera long. Donc on prend notre mal en patience. L'enregistrement sera fait à la main, c'est-à-dire à l'ancienne, d'accord ? Et ça va prendre combien à la main ? Donc on a dû arriver à 20h30, le décollage était prévu pour 22h45, on a dû passer la douane vers minuit. Bon, ça commence à bien faire maintenant. Hein. C'est franchement, je le dis, Bernard, c'est pas facile peut-être de gérer une compagnie aérienne, mais pourquoi ? C'est la première question avant même d'aller plus loin. Pourquoi de plus en plus on en a maintenant quasiment qui arrivent au bureau un à deux par jour ? pourquoi les avions ne partent pas du tout? Le retard, ça, on peut le comprendre. Plus il y aura d'avions, plus il y aura de retard, c'est évident. Mais maintenant, ils ne partent plus du tout. Alors là, il y a peut-être un bug informatique qui a bloqué, évidemment, la transaction des passagers pour le contrôle. Et ça peut s'expliquer peut-être pour cette raison-là. Mais pour autant, la compagnie aérienne ne transporte pas du bétail, Julien. Donc, ce sont des passagers. On leur doit une considération, des repas, des boissons, un logement à l'hôtel. Et là, ils sont restés 15 heures à l'aéroport au retour avec un enfant, Julien. Alors, on ne leur a pas proposé d'hôtel, on est bien d'accord, Véronique. Un petit peu à manger quand même? Oui, on a eu 10 euros par personne dans la nuit, je sais pas, vers 2 heures. Et puis vers 10 heures ou 9 heures, 8 euros par personne. Alors quand elle revient aux nouvelles le 27 septembre, Véronique, la directrice d'agence lui explique qu'elle attend encore l'attestation de retard de la part de la compagnie aérienne pour avancer. C'est-à-dire que vous êtes vous-même tributaire du fait que quelqu'un ne délivre pas le papier et on vous dit sans le papier, on ne peut pas vous indemniser. Eh bien moi je le dis, on se fout du peuple. Alors d'abord il y a Maître Félonneau qui va parler et ensuite il s'y prépare, il est en train de faire des pompes et de prendre de la ventoline. Le coup de gueule de Bernard Sabat va arriver. Alors il est exact que ce document est absolument indispensable. Car c'est le seul moyen pour effectivement vérifier la véracité du retard et le problème qui est arrivé. Ce qui est anormal, Julien, c'est qu'en principe, le chef d'escale doit le remettre à tous les voyageurs sur place, en disant effectivement le vol n'est pas parti, etc. De façon à ce que tous les voyageurs puissent être munis du moyen de se faire indemniser. Parce que non seulement on doit vous traiter comme des gens humains, mais également on doit vous indemniser. Bon, alors ça, c'est la première question qui se pose, c'est l'indemnisation. À votre avis, avant de pousser votre coup de gueule, Bernard, elle a le droit à combien, honnêtement? Elle a le droit à 400 euros par personne. En l'occurrence, là, il y a trois personnes. L'enfant a payé son billet d'avion, donc on lui doit 1200 euros. Ça, c'est l'indemnité européenne de la Convention de 2004. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté déjà là-dessus. Et pour l'instant, si j'ai bien compris, Véronique, vous vous êtes adressée donc à l'agence de voyage et ils vous disent... Vous n'aurez rien. Réponse A. Vous allez encore un peu poireauter 2-3 ans. Réponse B. C. Désolé, ce soir je regarde Grey's Anatomy, je peux pas m'en occuper. Réponse C. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit jusqu'à présent, Véronique? Entre B et C. Ouais, ben voilà. En fait, dans un premier temps, quand j'ai appelé l'agence dès le lendemain, elle me dit ah oui, vous allez être vraiment bien habillé, on s'en occupe, vous chargez de rien. Vous n'allez pas sur les sites internet pour vous faire indemniser de votre côté, on se charge de tout. Et concernant, parce que j'avais pris une assurance multirisque dans le voyage, concernant l'assurance, vous allez être remboursé à hauteur de 100 euros par personne, donc 300 euros. Déjà, d'où sortent ces 100 euros? C'est pas le prix normal. Alors vous savez, vous avez le droit de prendre une assurance complémentaire en cas de retard d'avion. C'est le principe que font les plus grandes marques d'assurance. Donc là, pour l'instant, elle est dans la législation. Le seul problème, c'est que l'assurance dit je veux bien vous rembourser cette somme qui est due puisque vous avez pris cette assurance. Le problème, c'est que je n'ai pas de justificatif. Alors, le coup de gueule de Bernard Sabat, et on lance l'appel parce que vous êtes tous impatients de déjà connaître la compagnie. Je vais vous en dire un petit peu plus et on reviendra sur ce qu'on s'est dit du haut déjà depuis quelques jours sur des compagnies parfois qui sont loin d'ici où il est très difficile d'obtenir quelque chose. Mais là, rappelons quand même que c'est un forfait. On est bien d'accord. C'est un forfait et donc vendu par l'agence de voyage. Alors, on y va, coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Alors moi je vais vous dire, Julien, ce que je reproche au tour opérateur dans ces cas-là, c'est de choisir des compagnies évidemment low cost, très intéressantes, là en l'occurrence basées en Pologne, et évidemment les tarifs sont très intéressants, mais le service après-vente est catastrophique. Alors messieurs les tour opérateurs, messieurs les agents de voyage, aujourd'hui il va falloir faire attention. Qui vous choisissez? Est-ce que vous préférez avoir un client que vous allez garder longtemps ou bien vous allez choisir un prix? Et évidemment, on a souvent beaucoup de problèmes. Nous avons vu il y a quelques jours que nous sommes actuellement avec trois cas, si je me rappelle bien, Charlotte, de compagnies espagnoles, compagnies low cost qui n'ont toujours pas répondu. On verra si ça a avancé, mais c'est une catastrophe. Et là, nous allons partir avec une compagnie polonaise. Alors, c'était peut-être pas cher, mais à l'arrivée, le résultat, il est là. La compagnie, je ne la connaissais même pas, elle s'appelle... Enter Air. D'ailleurs, je vais lui dire, t'as Enter Air à la rembourser. T'as Enter Air à la rembourser. Bon, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, cette compagnie. Si elle s'appelle comme ça, Julien, c'est une compagnie Enter Air. Polonaise, Julien, avec de très bons avions en demeurant. Mais le problème, c'est qu'ils ne décollent pas. Donc, c'est ça qui est embêtant. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient décoller. Ils ont dit, on a de bons avions. Alors, après, il faut toujours demander, est-ce que le bel avion va décoller? Dans une minute, Maître Félonneau, vous prendrez la parole. Ça vous laisse le temps de refermer deux boutons supplémentaires. Je vous rappelle que nous sommes dans un lieu public. Une entreprise, vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Le ballon d'or étant passé, nous allons dans quelques instants. Ah oui, Maître Fellonneau me fait remarquer que j'ai un bouton de Brabant-Gatou. Oui. J'aurais mieux fait de la fermer. Oui, effectivement, c'est mon système d'aération. Je me suis fait installer la clim. Allez, à tout de suite. En France, près de 1000 cambriolages ont lieu chaque jour. Il existe pourtant des solutions pour les éviter. On en parle avec Benoît, expert sécurité Verisure. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. C'est vrai, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances, mais ils profitent des vôtres. Notamment en décembre, qui détient le record du nombre de cambriolages. Vous avez un conseil pour nos auditeurs? Par exemple, à la veille des fêtes, évitez de laisser les cadeaux en évidence ou les cartons dans les poubelles le lendemain de Noël. Ah oui. Et n'hésitez pas à simuler au moins une présence les soirs de fête. Et que proposez-vous chez Verisure pour vraiment rassurer les familles? La meilleure solution, c'est la prévention. Chez Verisure, nous vous protégeons grâce à des systèmes d'alarme connectés à des humains 24 heures sur 24. Dès qu'une intrusion est avérée, nous alertons les forces de l'ordre. Merci Benoît pour ces précieux conseils. Retrouvez toutes les solutions Verisure sur verisure.fr. Passez une bonne matinée sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter quelque chose d'important. Ça fait des années qu'on vous dit que nous sommes tous unis contre la vie chère. Alors quand le prix d'un produit du quotidien s'envole, nous répondons présent. C'est pour ça que tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin de l'année, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Or E85, modalités et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. De si belles fiançailles, de Mary Higgins Clark. Ce sera sans doute le plus beau jour de votre vie. Vous aurez une robe resplendissante, une fête somptueuse et tous vos amis autour de vous. Mais attention, quand on a l'avenir devant soi, il faut prendre garde à ne pas se laisser rattraper par les ombres du passé. De si belles fiançailles, pour les fêtes, offrez un pur bijou de suspense signé Mary Higgins Clark. Un roman Albin Michel. Partout à 10, mais c'est Julia Courbix sur RTL. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Non, c'est vrai, ça je le reconnais très humblement. Avant de lancer l'appel pour le cas de Véronique. Elle a atterri avec 15 heures de retard à son retour de vacances, elle a même dû dormir sur les sièges de l'aéroport. Voici l'instant consternation avec Maître Fellonneau. Je suis effectivement consternée, Julien, parce que on a aujourd'hui proposé un produit d'assurance qui a pour seul objet, finalement, de pallier la carence de la compagnie. C'est une, effectivement une assurance pour vous dire, voilà, si vous avez un retard, un départ manqué, etc., vous serez indemnisé. Mais finalement, c'est la compagnie qui devrait indemniser immédiatement. On a payé quand même 82 euros. Je comprends qu'on la prenne, cette assurance. Mais c'est quand même pas normal. Elle servirait à quoi si la compagnie rembourse? Eh bien, justement, la compagnie, elle est censée rembourser beaucoup plus rapidement que les compagnies d'avions qui sont défaillantes. Mais à quoi ça servirait si les compagnies remboursaient tout le temps de prendre une assurance? Eh bien, justement, elle n'existerait pas, cette assurance. D'où ma consternation. C'est-à-dire que si les compagnies jouaient le jeu, on n'aurait pas besoin, nous, de consommateurs, de nous assurer. Sachant que de temps en temps, je prends moi-même une assurance qui couvre l'assurance. Si jamais elle ne couvre pas et la voilà, compagnie. Exactement. Voilà, très bien. Allez, on appelle, c'est parti. Donc, on commence par l'agence de voyage. Bernard Sabat est très, très clair. Il y a eu un forfait à partir du moment où vous prenez un vol, et c'est bien ce qu'a fait Véronique, un vol plus une autre prestation, quelle qu'elle soit, une demi-journée de location de voiture, un petit hôtel, une étoile, n'importe quoi, ça fait un forfait. Du coup, c'est l'agence qui doit vous rembourser ce qu'elle ne fait pas. Bonjour. Bonjour. Notre service est actuellement fermé. Ah, c'est dommage. Nous vous invitons à consulter notre site internet. Bon, alors, vous voyez, ça commence mal, donc on va couper. Est-ce qu'il y a un siège que l'on pourrait appeler au-dessus? Oui, je pense qu'on peut essayer d'appeler peut-être... Le groupe? Le groupe, mais le problème, c'est que le groupe n'ouvre qu'à 10 heures peut-être, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur là-dessus. On va tenter. Chez Promo Vacances, c'est fermé à 9h43. Ils ont dit à quelle heure ça ouvrait chez Promo Vacances? Non, il faut aller voir sur le site internet. Il faut aller voir sur le site internet. Charlotte? Je peux vous assurer qu'on a déjà fait des cas Promo Vacances et qu'on n'avait aucun souci pour les joindre à cette heure-là. Donc là, c'est un problème de leur part. Ah, d'accord. Il doit y avoir un petit bug peut-être technique. Et là, vous avez appelé qui? Alors là, on est passé chez la maison mère. Caravelle. Caravelle, exactement. Une réservation en cours. C'est un très gros groupe, hein, Julien, hein, Caravelle. Hein, c'est des marques importantes. Ils viennent de racheter Fran. Mais c'est des spécialistes qu'on appelle des pure players qui vendent sur Internet. D'accord. Alors, vous me récupérez. Oui. Vous passez à Bernard l'appel. Bernard, spécialiste du voyage. 34 ans d'expérience dans le métier, mesdames et messieurs. Il va nous prouver ce qu'il est capable de faire. Veuillez réessayer. Je ne l'ai pas donné, non. Parlez à quelqu'un? Souhaitez des informations sur une destination ou réserver un séjour? Céline, récupérez l'appel. Bon, Véronique, vous avez le temps de nous faire un petit café. On se retrouve dans quelques instants. Quelqu'un va nous répondre et nous allons démarrer sur RTL en direct. Le cas numéro 2. Jean-Philippe a versé 30 000 euros à un artisan pour des travaux de rénovation, mais depuis juillet, il ne vient plus. Résultat, Jean-Philippe n'a pas de porte dans ses toilettes. Et juste pour Véronique, si elle est encore en ligne avec moi, il y a des photos sur Facebook que vous nous avez envoyées, Véronique, où on voit vos enfants dormir par terre. Oui. Ouais, il ne faut pas faire ça parce que ça salit le sol. Il y a des gens qui nettoient le sol. Vous ne pouvez pas poser des enfants comme ça par terre. Enfin, vous le feriez chez vous, ça? Les pauvres, en plus, c'était sale. Les pauvres au bout de chou, regardez, ils ont passé la nuit. C'est terrible, ça. Parce que franchement, quand on se dit qu'on a payé une compagnie, on a payé un forfait pour se retrouver à dormir, à même le carrelage, et personne qui vient vous proposer une nuit d'hôtel, allez voir les photos. Vous allez voir ce qu'a vécu Véronique. Jean-Philippe, c'est donc dans allô quelques instants. Ah, allô? Oui. Je rappelle que... Alerte, Julien, c'est pour le cas numéro 1 du voyage. C'est allô ou alerte vacances. Ah oui, c'est alerte, d'accord. Allô. Allô, alerte, oui. Oui, bonjour. Oui, promo vacances. Oui, comment puis-je vous aider, ma chère? Je vais vous expliquer, madame. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et je suis avec Véronique qui m'explique donc qu'elle a eu un vol un peu catastrophe. Elle avait pris un voyage chez vous avec combien de retard, Bernard, s'il vous plaît, à peu près? 15 heures. 15 heures de retard, pas d'hôtel, passer la nuit dans l'aéroport, accoucher par terre, etc. Donc elle a le droit, et c'est la loi, vous le savez, une indemnisation, mais on ne lui donne pas. Et elle ne cesse de relancer promo vacances et elle n'a pas de nouvelles. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? D'accord, si vous me permettez un petit instant. Je vous en prie. Ah ben, merci beaucoup. Vous récupérez l'appel. Voilà, la dame voulait une explication, je lui ai donné. Bah, j'ai l'impression que l'explication que je lui ai donnée ne lui convient pas. Mais c'était la seule que j'avais en stock. Nous allons nous retrouver avec cette interlocutrice dans une seconde, après avoir écouté Calogero sur RTL 1987. Tu te souviens? Les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rends. Calogero qui chante cette chanson. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui passent sur l'antenne et Véronique qui nous écoute par exemple en ce moment. Eh bien Véronique ne le sait pas, mais maintenant elle l'apprend. Je ne sais pas si elle est en ligne avec nous, Véronique. Non seulement nous sommes en train d'essayer de régler votre problème, Véronique, mais à l'occasion de la journée spéciale sur RTL, Astérix, le secret de la potion magique qui sera au cinéma le 5 décembre, eh bien tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne recevront 4 places pour aller voir le film et 4 entrées pour le parc Astérix. C'est notre premier cadeau, Véronique. Est-ce que cela vous va ? Oh là là, oui. 4 places pour le parc Astérix et 4 places pour aller voir le film. Ça tombe bien, je crois que vous avez 2 enfants. Génial. N'en faites pas un de plus, car j'en ai que 4. Essayez de tenir, s'il y a un 5e dans la famille qui doit arriver, encore un petit peu. En ce qui concerne Promo Vacances, Bernard Sabax, où en est-on ? J'ai une magnifique musique d'attente, Julien, si vous voulez l'écouter, ça va vous détendre. Ah, je veux bien. Je suis toujours prêt à me détendre. Vous allez reconnaître ? Saxophoniste. Elle, je la connais. C'est Micheline. Mais le saxophoniste, je ne l'ai pas reconnu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour l'instant ? Pour l'instant, on attend. On nous fait passer, je pense, un superviseur, je suppose. Cas numéro 2, prêt à partir ? Jean-Philippe a lancé des travaux de rénovation en 2016, mais l'artisan ne vient plus sur le chantier. Rien n'est terminé. Eh bien, nous allons accueillir Jean-Philippe. J'espère que vous avez bien entendu. Il a payé 30 000 euros. Il ne s'est rien passé. Il y a un artisan qui est parti avec 30 000 euros, qui actuellement est en train de dire « Remets-nous des champagnes !» Oui. Mais rien, aucun travaux. On en a eu des comme ça, mais jamais à ce niveau-là. C'est une première. Pendant ce temps, chez Renault, faites durer le plaisir de conduire avec Renault Zoé et ses 300 km d'autonomie. Jusqu'au 31 décembre, profitez de Zoé à 99 euros par mois et réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Voir Renault.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lin, Ferrero, Kinder. Non mais 8 euros en bon d'achat. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, avec votre carte Carrefour, profitez de 8 euros en bons d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75 euros d'achat. Modalité et magasins participants et ouverts sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Depuis plus de 20 ans, au moment des fêtes de Noël, l'association La Grande Récré pour l'Enfance collecte des jeux et jouets pour les enfants en difficulté. Déposez-les dans la Hotte de l'Amitié, dans l'un de nos 130 magasins La Grande Récré partout en France. Un grand merci pour les enfants et joyeux Noël à tous. Liste et adresse sur lagranderécré.fr. Hé papy, c'est quoi ça ? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tâche. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Un pépin avec Lidl ? Ah oui, et un gros, hein. Demain et après-demain, ils nous font le kilo de clémentine de Corse origine France à 2,79€. Le kilo de clémentine de Corse est à 2,79€ chez Lidl ? J'y crois pas. Tu me mens ? Oh non, je vous ai jamais menti. Enfin, pas sur les prix des clémentines en tout cas. 2,79€ le kilo, c'est le vrai prix. Ah, ça se corse, en effet. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous attendons toujours sur le cas de Véronique qui est passée par une agence pour ses vacances d'été et qui a dû attendre 15 heures dans l'aéroport avec ses enfants qui ont dormi par terre. Que Promo Vacances nous trouve un superviseur. Oui, pour l'instant, je suis avec Stan Getz, si ça vous intéresse. Ils sont toujours à l'attente. Regardez-le, j'aime bien Stan Getz, effectivement, mais... Je l'aime mieux sur une enceinte que sur un téléphone. Donc, vous m'attendez et vous me dites, enfin, c'est moi qui vous attends et vous me dites dès que quelqu'un répond. Jean-Philippe est en ligne avec nous. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe qui nous appelle d'où ? De Vienne, à Auxerre. De Vienne. Et Jean-Philippe, alors j'ai exagéré, Jean-Philippe. Je suis désolé, j'avais mal lu. Quand j'ai dit qu'il n'avait rien fait, l'artisan, j'aurais mieux fait de me taire ou de me casser une jambe, comme on dit. Car il a quand même fait un peu. Mais. Vous allez quand même nous raconter qu'il a loin d'avoir tout fait et que surtout vous avez payé 30 000 euros. On vous écoute, Jean-Philippe. Bah écoutez, effectivement, on a commencé les travaux avec lui suite à l'acceptation de son devis, donc de 30 000 euros. Les travaux de la maison que j'ai achetée, pas loin d'Auxerre, au mois de juin. L'entrepreneur a vite déclaré qu'il avait quelques soucis de trésorerie, donc on l'a autorisé à quitter le chantier pendant quelques semaines pour aller faire d'autres contrats par ailleurs. Le temps de résorber ses soucis de trésorerie. Il est revenu vers le début de l'hiver simplement pour faire le flocage et l'isolation de la maison afin qu'on puisse passer l'hiver tranquille. Et depuis, grosso modo, on ne l'a pas revu. Donc, le tiers des travaux a été effectué et il nous a déclaré venir au printemps pour faire le ravalement de façade, ce qui était crédible parce qu'on ne fait pas un ravalement de façade pendant les périodes d'hiver. Il a fait un appel de fonds que nous avons versé et il n'est jamais venu. Ce dernier appel de fonds lui a été versé au mois de juillet 2017. Et nous sommes en hiver 2018 et rien n'est fini et rien n'est entrepris. Alors, pour récapituler, Jean-Philippe, vous avez donné combien en tout ? 30 000 euros. 30 000 euros. Que reste-t-il à faire ? Il reste à faire la façade, les balcons, la cour, les plinthes, les dressings, la porte des toilettes, la peinture du cellier, etc., etc. Enfin, un million de petits détails, l'électricité qui a été commencée, qui n'a pas été terminée, etc. Encore une fois, M. Felono, voilà. Des travaux qui ne sont pas finis. Encore une fois, c'est complètement idiot ce que je vais vous dire. C'est comme si vous alliez au restaurant et vous n'avez jamais le plat. Voilà, vous avez l'entrée, mais le plat ne viendra jamais. Vous allez acheter une voiture, il manque trois portes. Enfin, c'est un truc de dingue, ça. Alors, ce qui est dingue, c'est d'entendre la gentillesse de Jean-Philippe. Mais elle est un peu compréhensible parce que lui aussi, il travaille dans le bâtiment. Et oui. Il a en fait confié ce chantier à un entrepreneur avec qui il a travaillé. C'est un poseur de cuisine et lui travaille pour une enseigne de cuisine et ils se sont connus comme ça. Donc il y avait une relation de confiance. Vous vous rendez compte qu'il lui était des problèmes d'argent. Allez, laisse tomber mon chantier, va finir des chantiers ailleurs pour récupérer un peu de trésorerie. Et toutes les gentillesses que Jean-Philippe a faites, finalement, elles se sont soldées par maintenant le silence complet avec quelqu'un qui a finalement un an de retard. Et Jean-Philippe ne demande que le remboursement de son dernier acompte, 3300 euros. C'est vraiment rien. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'entrepreneur fait la sourde oreille comme ça. Nous allons l'appeler dans quelques instants. Jean-Philippe, vous ne bougez pas car il y a une alerte à l'instant. Vous venez de l'entendre, Bernard Sabat. Nous revenons donc sur le premier cas. Véronique et ses enfants ont dû dormir à même le sol de l'aéroport. Leur vol prévu à 22h45 a décollé le lendemain à 13h50. Que va-t-il se passer, Bernard ? Je pense que la direction écoutait l'émission et ils vont me rappeler sur mon portable. Ils me l'ont promis dans le quart d'heure qui suit. Voilà. Encore une fois, nous le rappelons, il y a des règles. C'est une règle d'or d'ailleurs concernant, Bernard, les prix que l'on doit vous rembourser. C'est automatique. Il n'y a pas de négociation possible. La règle d'or sur RTL. À partir de combien de retard j'ai le droit à quelle somme ? 3 heures de retard déjà, vous avez le droit à l'indemnité 250 euros, 400 ou 600 selon la distance. Et là, on m'appelle de l'autre côté comme prévu, Julien. Alors c'est parti, récupérez l'appel et nous allons donc dans quelques instants savoir plus. Vite un mot, Maître Felono. Oui, et là, en l'occurrence, c'est 400 euros par passager que nous attendons. Et non, elle va toucher le gros lot. Enfin, j'espère, en tout cas, pour l'instant, elle n'a rien du tout. Et pour l'instant, ce dont elle se souvient, notre auditrice, c'est qu'elle a dormi par terre avec ses enfants dans un hôtel. Et on ne sait. Alors, non, dans un aéroport, justement, pas dans un hôtel. On lui a dit au moins pourquoi l'avion n'était pas parti. Au bout du compte, on vous l'a dit finalement, Véronique ? Oui, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu du tout de contact avec la compagnie. Non, on ne vous a rien dit. Enfin, voilà, c'était juste ma question. On ne vous a pas dit il y a une panne technique, il est en retard, etc. Rien. Non, il était là. Il était là, sauf qu'il y a eu une panne. Oui, on l'a bien vu. D'accord. Bon. Mais il n'est pas parti. Peu importe. Hunter Air, compagnie polonaise à Varsovie. Et si on pensait au Roquefort ? Une baguette encore un peu chaude ? Une pointe de miel ? Du Roquefort déposé, à peine étalé, tout simplement. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort. Le goût haut et fort. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables, soit 15 euros à valoir au rayon jouet. Réservé aux porteurs de la carte Wahoo. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ ? Oui, oui. On va y aller à la vitesse de la lumière. Oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À Noël chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Tu vois, la clémentine de Corse se reconnaît à ses feuilles vertes. Of course. À son goût unique. Of course. elle est pleine de soleil. Of course, Clémentine de Corse. Of course. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la collectivité territoriale de Corse. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Qui a dit le bonheur vous va si bien? Et le bonheur, c'est déjà de s'offrir les plus belles idées cadeaux. Préparez Noël chez Kiabi. Découvrez les plus belles idées cadeaux pour toute la famille et à prix tout doux. Comme le t-shirt à message hyper tendance à 5 euros au lieu de 10. 5 euros, cadeau, non? Les cadeaux par Kiabi, du 28 novembre au 11 décembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Merci d'avoir choisi RTL, la radio numéro 1. Vous écoutez le 9h30-11h, l'émission qui règle vos problèmes par la négociation. Deux cas ont été lancés, du nouveau après les infos. Il est 10h. L'information, c'est avec vous, Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Nouvelle audition en ce moment pour Jonathan Daval, meurtrier présumé de sa compagne Alexia, devant le juge d'instruction du tribunal de Besançon. C'est son premier interrogatoire depuis le 27 juin dernier, depuis que le jeune homme était revenu sur ses aveux et avait accusé son beau-frère. Aujourd'hui, on apprend que des analyses toxicologiques sur le corps de la jeune femme ont révélé la présence de médicaments, dont une molécule interdite depuis 5 ans. Rendez-vous demain à 14h à Matignon pour les porte-paroles des Gilets jaunes. Édouard Philippe les recevra avec son ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui s'était déjà entretenu avec une délégation avant-hier. C'est Noël aussi pour la Poste. 11% de colis en plus pour cette fin d'année par rapport à l'année dernière. La Poste s'attend à une nouvelle hausse d'activité avec l'accroissement du commerce en ligne. La Poste qui détient 60% du marché des livraisons à domicile et elle prévoit de livrer 2 800 000 colis pour la plus forte journée de la saison. Elle double le nombre de ses camions à 500 pour les liaisons nationales. La croissance française, ce sera bien 0,4% pour le troisième trimestre de cette année. C'est ce que confirme ce matin l'INSEE. Le gouvernement espérait 0,5%, ce qui fragilise son scénario, prévoyant une croissance globale pour 2018 de 1,7%. La consommation des ménages, elle, se porte bien, plus 0,8% pour le mois d'octobre dernier. Les Français ont acheté davantage de produits alimentaires, mais ils ont aussi beaucoup plus dépensé pour les carburants. Un petit air de reggae de Jamaïque dans ses informations. Il vient d'être classé au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. L'UNESCO qui souligne la contribution de cette musique à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité grâce à des artistes comme Bob Marley. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 a ouvert à la hausse, plus 0,87%. Et puis les courses, ça se passe à Deauville cet après-midi, le tiercé quartet quintet plus. Les pronostics de Claude Piersanti, le 4, le 10, le 6, le 11, le 5, l'As, le 7 et le 14. La dernière minute, c'est le 6, Noray. Le temps pour cet après-midi, de nouvelles pluies qui arrivent sur l'Atlantique, de la Nouvelle-Aquitaine au bassin parisien et à la Champagne-Ardenne. À l'arrière, les éclaircies reviennent sur le nord-ouest, mais avec également quelques averses sur la Bretagne et près de la Manche, et encore des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Sur le Languedoc-Roussillon, la grisaille s'impose, beaucoup de vent dans l'axe Rhône-Saône sur le relief du Massif central et sur le Pays Basque. Les températures sont douces, 10 à 14 degrés sur la moitié nord, pas plus de 6 à 8 sur l'Alsace, mais avec 15 à 18 degrés sur la Méditerranée et le Sud-Ouest, 19 degrés sur le Béarn et le Pays Basque. Fabriqué en France, les oreillers et couettes Colanormand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colanormand, chaque matin, partez gagnant. 10h03, bonne journée à tous sur RTL, avec bien sûr Julien Courbet. Est-ce que vous vous êtes bien remise de cette soirée extraordinaire que vous avez vécue? Je vous y ai vu, vous ne pouvez pas dire que vous n'y étiez pas. Quand on a passé une très bonne soirée. On était assis, on attendait, et là, il est arrivé, et d'une main, il a gratté sa guitare pour faire... Comme ça qu'a démarré hier le concert de Paul McCartney. Quel beau concert. Très beau concert. Vous pouvez dire qu'on y était. Merci, à tout à l'heure, 11h. À tout et à nous l'heure. Allons nous retrouver maintenant avec les cas que nous réglons. Nous essayons de régler en tout cas ce matin en direct sur RTL. Voici le rapido point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Charlotte, nous avons démarré avec le cas de Véronique. Le retour de ses vacances en Grèce ne s'est pas passé comme prévu. Son vol a eu 15 heures de retard. Elle a dû passer la nuit dans l'aéroport avec sa famille. Et nous avons cherché à joindre Promo Vacances. Ils vous ont rappelé. Dialogue très vite établi. Où en est-on, Bernard Sabat ? Écoutez, on avance gentiment. La première nouvelle, c'est que Promo Vacances va relancer Thalasso numéro 1, qui est donc le producteur de la destination et la compagnie Interair, pour obtenir rapidement ce document. Mais allez-y, pardon. Je me permets de vous interrompre. Vous avez raison. Est-ce que vous rendez compte quand même ? Je me mets à la place, je ne fais pas du mauvais esprit. Donc, la loi dit que l'agence, et d'ailleurs nous avons fait une émission spéciale avec nos amis de l'APS, que l'agence doit rembourser en cas de retard. Là, l'agence va essayer d'avoir un papier, mais si elle ne l'a pas, et ça va prendre 15 jours, et pendant ce temps-là, excusez-moi, mais Véronique, elle attend que tous ces gens-là du monde aérien essaient de se mettre d'accord pour savoir qui va donner le papier. Donc, la loi, j'ai envie de dire, elle ne sert pas à grand-chose, parce que là, pour moi, Promo Vacances doit rembourser, et puis après, faire toutes les actions qu'elle veut contre ceux qui ne lui donnent pas le papier. Vous avez raison, et je pense qu'il faut aller maintenant plus loin. Il y a aujourd'hui la médiation du tourisme, avenue Carnot dans le 17e. Quand il y a un litige sur un forfait, il faut écrire 15 avenue Carnot dans le 17e et expliquer le cas pour que tout simplement, quand cette commission se réunit, sanctionne et les tours opérateurs et les compagnies aériennes qui ne jouent pas le jeu. Et Dieu sait si on en entend, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Charlotte. Moi, je me permets d'interpeller M. Alain de Mendoza de l'agence de voyage Promo Vacances et de lui dire la chose suivante. Monsieur, je ne peux pas dire moi aux gens, allez sur le site de Promo Vacances prendre un voyage. Si après, quand il y a un souci, puisque là il y en a un, d'après vous dites aux gens, bon ben déjà un, on fait rien pendant quelques temps parce qu'elle a fait que vous appeler et il ne s'est rien passé, elle passe à la radio et une fois qu'elle est passée à la radio, on lui dit écoutez, on va écrire à tous les gens pour essayer d'avoir le papier pour éventuellement vous rembourser. Moi ça me ferait flipper, je vous le dis très honnêtement. Donc soit je pense que Promo Vacances ce sont des gens sérieux, ils disent il y a une loi, la loi dit que quand l'agence est responsable, ce qui est le cas aux yeux de la loi, elle rembourse et après l'agence fait ce qu'il faut, ils ont les reins suffisamment solides pour aller après chercher nos amis polonais, etc. Soit ils font rien et auquel cas, excusez-moi, mais moi, ça m'interpelle. Oui, et moi, je vais un petit peu plus loin, Julien, si vous permettez. Je pense que c'est au tour opérateur qui a choisi la compagnie aérienne qui doit rembourser l'agence le plus rapidement au client pour que le client le récupère. Et si on veut conserver des clients, Julien, il faut conserver ce processus. Mais encore et une c'est fois, important. C'est toujours cet exemple bête que je cite depuis 20 ans. Vous allez acheter une voiture, on vous la livre, il n'y a pas de volant, admettons. Et là, vous dites, attendez, mais là, monsieur, il faut qu'on essaie d'appeler. Vous savez, ils sont fabriqués au Japon. Alors, l'entreprise japonaise, on va essayer de leur envoyer une lettre pour savoir s'ils veulent bien nous envoyer un volant. Pendant ce temps-là, vous payez la voiture et vous la prenez comme ça. Non, j'ai pas à savoir, moi, s'ils ont des problèmes Promo Vacances avec Interair et compagnie. Je veux savoir s'ils sont sérieux et s'ils respectent la loi. Je complète par rapport à ce qu'a dit Maître Fellenot pour l'assurance. Je me suis renseigné sur cette fameuse assurance Multirix Premium qu'on achète. Alors, Julien, une fois de plus, là encore une anomalie. L'assurance ne peut rembourser Julien lorsque la carte d'embarquement est le même jour. En l'occurrence, là, l'enregistrement a été fait le 29 juillet. On n'en a pas parlé. Elle pourra nous le dire dans quelques instants. Sur la carte, vous allez voir. Qu'est-ce qui a marqué exactement sur votre carte d'embarquement, Véronique ? J'y ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure. C'est assez intéressant. Dites-nous. Oui, c'est très rigolo. Donc, en fait, sur la partie droite, je l'ai devant les yeux, est écrit, en fait, l'ancienne date, c'est-à-dire la date à laquelle on aurait dû décoller. Donc, le 29 juillet. Alors, expliquez bien, parce que là, les gens, pour eux, ne comprennent pas forcément. Dites-nous les deux dates qu'il y a dessus. Donc, sur la partie droite, c'est la date à laquelle on devait décoller. Donc, il y a marqué embarquement à telle date et telle heure. Voilà, 22h45. Par contre, sur la partie gauche, il y a toujours écrit la date de la veille. Par contre, comment on appelle ça ? L'embarquement, l'heure est à 12h50. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez sur la partie droite, Véronique, il est marqué « From Road to Paris CDG, Departure Time, 22h45 ». C'est l'anglais. Et sur la partie de gauche, vous avez « Boarding Time, 12h50 ». Entre 22h45 et 12h50, ils prennent un peu de marge. Mesdames et messieurs, nous vous informons que pour le vol, pour Road, l'embarquement se fera entre lundi 3 juillet et mardi 26 Merci de vous tenir prêt. Ben voilà, vous voyez qu'on est en plein dans le délire absolu. Mais on va donc avancer, j'espère Julien. Vraiment oui. Que Promo Vacances, voilà, que l'on puisse vraiment avancer et pouvoir chanter. Vacances, j'oublie tout, vacances, plus rien à faire du tout. De toute façon, tu pars pas, tu restes en aéroport et tu couches par terre. Oh mon vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. t'as pas réservé. De toute façon, tu pourras pas partir. Tu resteras par terre. Voilà, non. Soyons sérieux, les gars. Allez, on y va. On se retrouve dans quelques instants. De quoi parlera-t-on ? Vous pouvez voir sur Facebook qu'il n'y a pas de porte aux toilettes de Jean-Philippe. Et ce n'est qu'un problème parmi d'autres. La raison, un artisan qui a abandonné son chantier. Je suis désolé parce que cette porte, Véronique qui nous écoute le sait bien, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, un couple ne se parle plus. Et... Véronique, est-ce que vous avez des fois des discussions avec votre mari avec la porte des toilettes ouverte ? Ah non. Ah, vous avez tort. Bah, on est assis, on le voit passer. Dis donc, tu t'es toujours pas occupé de l'inscription du petit au tennis. Voilà, ça se fait. C'est un lieu de discussion. Je ne comprends pas que les gens rechignent à ça. Non, vous ne le faites pas, vous, non, ça. Mais vous, je sais, les garçons, vous faites toujours pipi dans la rue. Oh, c'est dégoûtant. Alors, évidemment, une porte, ça vous intéresse pas. Mais nous, les filles, on aime les portes aux toilettes. Pas que dans la rue, pour commencer. Et Jean-Philippe aussi. Et pas que pipi. Allez, nous allons nous retrouver avec cette histoire d'artisan dans quelques instants. Il y aura la farandole des cars ensuite qui bloque. Et oui, on reviendra notamment sur le cas d'Yelena. Souvenez-vous, ce mobilo dans un état crasseux. C'est vrai. Ah oui, hier on a eu un dialogue un peu houleux en fin d'émission. On a dit qu'on redonnait la parole à cette dame pour continuer ce dialogue. A tout de suite. Vous faites partie de la famille RTL. Bonjour, c'est Vincent Parisot. Le journal inattendu. Guy Savoie sera samedi le rédacteur en chef du journal inattendu, auréolé pour la deuxième année consécutive du titre de meilleur restaurant du monde. Alors, on va se régaler, percer les secrets de cette excellence gastronomique qui l'a conduit de Singapour à Las Vegas pour être aujourd'hui la référence de la cuisine française. La skieuse Marie Bochet, qui a fait briller la France aux Jeux Paralympiques, sera son invitée et on découvrira l'univers de l'artiste plasticien Fabrice Hibert. Alors, aiguisez vos papilles et préparez-vous à passer la table samedi dans le journal inattendu avec Guy Savoie. Le journal inattendu présenté par Vincent Parisot, samedi à 12h30 sur RTL. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4000 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4000 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lindt, Ferrero, Kinder. Non mais 8 euros en bon d'achat. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, avec votre carte Carrefour, profitez de 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75 euros d'achat. Modalité et magasins participants est ouvert sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Partout à 10. Mais c'est Julien Courbix sur RTL. Courbix, vous savez qu'une fois, c'était ma copine Sophie d'avant qui m'avait invité dans son émission du matin. Et il y a des recettes, vous savez, on participe à des recettes. Et elle dit au cuisinier, je ne sais pas, ça lui a échappé ou alors elle s'est imaginé la chose. Tenez, ce qui serait bien, c'est que vous montriez comment vous faites votre sauce à Julien Courbix. Vous lui dites, écoutez, Sophie, c'était pour l'instant en secret, mais n'étalez pas ça sur la place publique. Allez, dans quelques instants, nous allons appeler le professionnel qui a pris 30 000 euros, vous m'avez bien entendu, qui ne finit pas les travaux, qui ne revient plus. Et puis on aura un nouveau record qui vient d'être battu puisque nous venons de recevoir une fiche, 18 heures de retard pour une autre compagnie. Ça va mal, hein, ces histoires d'avions et de low cost. Il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose. C'est the fight to make ends meet. Keeps a man up on his feet. Yeah. Every kind of people. Vous êtes sur RTL, il est 10h15. Nous attendons toujours que nos amis de promo vacances sur le cas de Véronique nous donnent des nouvelles. 15 heures de retard, elle n'a pas été indemnisée, pourtant c'était un forfait. Jean-Philippe nous a expliqué son cas, on va le répéter. Il a fait faire des travaux de rénovation chez lui, le chantier est loin d'être terminé. Il y a des malfaçons que vous pouvez voir en photo sur notre page Facebook et l'artisan ne vient plus. Et nous allons lancer l'appel immédiatement. Nous appelons maintenant celui qui va peut-être nous expliquer pourquoi il ne vient pas. Ce que veut Jean-Philippe, c'est soit la réalisation de la porte des toilettes, la rénovation de la façade, la réalisation du balcon en bois, soit le remboursement du dernier paiement, 3 300 euros, sachant qu'il a déjà donné 30 000, Jean-Philippe. Alors, le correspondant n'est pas joignable. On tape un deuxième numéro, s'il vous plaît, Céline, oui. Car nous en avons un deuxième, avant de sortir le porte-voix. Ensuite, nous aurons un petit témoignage qui vient d'arriver. En direct, celui de Fred, lui aussi, problème de compagnie aérienne low cost, 18 heures de retard. Oui. Avec une de celles qui ne nous répond pas. Ah ben, ça tombe bien. Voilà. Alors, attention, ça ne répond toujours pas au deuxième numéro. J'attends un petit peu avant de sortir le porte-voix. Bon, Jean-Philippe, vous allez prendre... Alors, on va couper. Jean-Philippe, vous allez prendre quelques minutes pour faire ce que vous voulez. Bernard essaie d'avoir, comme nous le faisons chaque jour, à sa manière, l'artisan. Et je vous reprends dès qu'il est sur l'antenne. D'accord, Jean-Philippe ? Merci, Julien. Donc merci ça, beaucoup. C'est pour le cas de l'artisan. Pour le cas de la compagnie, on attend promo vacances. Là, je prends rapidement Fred qui vient de nous appeler. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Fred, vous nous appelez d'où ? De Lille. Très bien. Alors Fred, bon, on n'a pas vérifié, vous nous avez appelé, mais vous voulez nous raconter que vous êtes parti quel jour, vous, pour aller où et combien de temps ça a pris ? Moi, je suis parti du 22 au 29 juillet à Rhodes. À Rhodes également ? Oula. Oui, oui, à Rhodes. Bah, la même situation que Véronique, il me semble. Oui. On est arrivé à Rhodes le 29, 22h pour décoller à minuit 20. Et au final, on a décollé le lendemain, bah, 16h en fait, 16h10, un truc comme ça. Est-ce qu'on s'est occupé de vous sur place ? Est-ce qu'on vous a donné un hôtel ? Rien du tout. On a dormi dans l'accueil de... Bah dormi, c'est un gros mot, dans l'accueil de l'aéroport. C'est du bétail, hein. Vous avez raison quand vous dites que parfois les passagers dans ces compagnies-là sont traités... Alors attention Bernard, soyons objectifs. Franchement, oui, je vous écoute Fred. C'était la compagnie Aquatour, mais la compagnie aérienne, c'était Smart Wings. Je me suis trompé tout à l'heure au standard. D'accord, c'est pas grave. Comment elle s'appelle, cette compagnie, vous dites ? Smart Wings. Eh ben, je vais vous dire, on en découvre une tous les jours. Parce que là, franchement, la polonaise, je ne la connaissais pas. Parce que chaque grosse compagnie a plein de petites compagnies. Puis vous avez dans chaque pays plein de petites compagnies low cost. Et donc, est-ce que vous avez pu vous faire rembourser ? Alors, la compagnie, l'agence nous a proposé assez rapidement 50 euros en bon d'achat chez eux. Oui, mais en bon d'achat, c'est juste un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire, ils tentent le coup. Mais ouais, si on pouvait faire la même chose, nous, par exemple, quand on se fait avoir pour un PV, vous en avez pour 75 euros, c'est comme si on disait à l'État, allez, 30, et on n'en parle plus. Mais non, c'est la loi. Enfin, sinon, ça ne sert à rien de faire une loi si c'est pour après. Bon, eh ben, écoutez, on va le mettre de côté. Ouais. Fred, vous avez accepté ou pas ? Non, on n'a pas accepté parce qu'en plus, ils nous ont fait dormir, je vous disais, dans le hall. Non, je vous dis, vous avez accepté le dédommagement. Ah non, rien du tout, on n'a rien accepté. Alors, vous voulez qu'on s'occupe de vous ou pas, Fred ? Ah, j'aimerais bien, oui. Ah, bah, on va s'occuper de vous, mon Fred. Je vous mets de côté. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit ce matin, mais demain, vous êtes sur l'antenne d'RTL après-demain. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Allez, Fred, attendez, c'est pas fini. Vous avez des enfants ? Pas encore, j'espère. Bon, bah, vous avez au moins des amis ? Oui. Bon, 4 places pour aller voir le nouveau d'Astérix et 4 entrées pour le parc Astérix, ça vous dit ? Oh, ça fait plaisir. Ah bah oui, ça fait plaisir. Ils sont à vous. Et on prend le cas. C'est au... Tiens, vous voulez que je le donne à Charlotte ? Très jolie fille, petit gabarit, mais tout ce qui est petit et mignon, Céline ou bien JB. Julien. Ils s'en foutent royalement. Je vous écoute. Julien. Allez-y. Vous n'êtes pas sur l'île jouer votre spectacle ? Je vais trouver sûrement, mais je vous inviterai. D'accord, Fred, je vous inviterai. Ne vous inquiétez pas, je prends votre nom dès que je passe dans le Nord. Là, ça va vous faire beaucoup. Un peu loin. Samedi soir, je suis à Enghien-les-Bains, au casino d'Enghien-les-Bains. Samedi soir, ça va être le feu. Il est magnifique, ce casino. Donc, venez vous éclater, ça vous changera les idées. On va vraiment rire. Et après, le 12 janvier, on est au casino de Bordeaux. Fred, on s'occupe de vous. Il y aura peut-être du nouveau Bernard. Bon, juste vous dire que Smartwing, c'est une compagnie qui est basée à Prague. Ah. Mais évidemment, encore l'Europe, et c'est bien. Hein. Bon, allez, il faut vraiment avancer. Cost, hein. Deux dossiers en cours et on va démarrer la farandole des cas qui bloquent. Mais que nos deux premiers auditeurs ne s'inquiètent pas. Nous ne lâchons jamais l'affaire. Ça, c'est le contrat de confiance que l'on a avec les auditeurs d'RTL le matin. En France, 2,3 millions d'hommes souffrent de problèmes de prostate pouvant impacter leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Docteur Mimoun. Jacques, vous avez 64 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences dans votre vie ? Je suis passionné de cinéma, mais je peux plus voir un film en entier et je dois choisir ma place à proximité de la sortie pour aller aux toilettes. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour commencer, ne vous retenez pas quand une envie pressante se fait sentir. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, bougez plus. RTL. On a tellement de choses à se dire. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables, soit 15 euros à valoir au rayon jouet. Réservé aux porteurs de la carte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Bonjour, c'est Pierre d'M6 Boutique. Je vous attends samedi 1er décembre pour une émission spéciale Faites plaisir au marché de Noël d'M6 Boutique. Découvrez notre sélection pour les fêtes avec des promos allant jusqu'à moins 70%. Alors faites-vous plaisir avec M6 Boutique le samedi 1er décembre à 7h40. Il y a les 20 traits. Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. 30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards sur scène. Son nouveau spectacle, 30 ans d'insolence. La différence entre la bière et le chasseur, c'est qu'on trouve des bières sans alcool. Bernard Mabille, actuellement en tournée dans toute la France et à l'Olympia le 12 janvier prochain. Avec RTL. Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50 Go pour partager mes vidéos de Noël. Bah, ma vidéo de bûche a plus de likes que la tienne. Le pack Open Up Fibre 50 Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Like signifie j'aime. Offre soumise à condition, dont 40€ par mois remboursé pour les nouveaux clients Orange. Engagement 12 mois minimum. Détails sur orange.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Vous le savez, deux cas sont en cours. Nous attendons d'avoir des réponses. Mais nous allons maintenant passer à cette rubrique qui consiste à vous laisser nous poser une question quand vous avez un souci. Une question qui amène non pas des appels téléphoniques, mais une réponse immédiate. Céline, de quoi parlons-nous à 10h23 en direct sur RTL ? Un sujet dont on parle peu et qui est pourtant très important, c'est la semaine de la sécurité des patients. C'est une initiative dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Le slogan de cette 8e édition, les médicaments à bon escient. Cette année, l'accent est donc mis sur la quantité et la qualité des 3 milliards 200 millions de boîtes de médicaments vendues chaque année en France. La question du jour nous est posée par Florian. Il a pris des médicaments et il n'aurait jamais dû les prendre. Maintenant, il regrette. Je pense avoir été victime d'une erreur médicale. On m'a diagnostiqué une mauvaise maladie et à la suite de ça, j'ai du coup pris des médicaments et j'en subis aujourd'hui les conséquences. J'aimerais entamer une démarche contre ce docteur, mais autour de moi, on me dit que c'est perdu d'avance. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait une procédure particulière ou une démarche quelconque. Dominique Courtois, président de l'association d'aide aux victimes d'accidents corporels, nous donne la marche à suivre. Premièrement, demander la transmission de son dossier médical. Deuxièmement, faire étudier son dossier médical par un médecin expert indépendant ou par une association de victimes d'erreurs médicales. En cas de suspicion de faute, faire un dossier pour la commission de conciliation et d'indemnisation. Cette commission va diligenter un médecin expert en fonction du rapport d'expertise et des conclusions. Soit il y aura une indemnisation, soit vous pouvez ne pas accepter cette indemnisation et engager une procédure devant le tribunal de grande instance, si c'est dans le privé, ou le tribunal administratif, si c'est un hôpital. Chaque année en France, on dénombre environ 350 000 erreurs médicales. Bon, eh bien merci de cette précision. Et puis rappelons qu'il y a quand même l'association du docteur Courtois qui est super efficace, dont Alain Hazard. On rappelle le nom. Vous vous rappelez du nom de l'association du docteur Courtois, Alain Hazard ? Attendez, on va vous donner... qui veut gagner une association ? Il ne le sait pas. Voyons, c'est le rédacteur référent. Sais. Attendez. Elle s'appelle... Réponse A. L'association de ceux qui aimeraient bien se faire soigner quand ça s'est mal passé. Non. B. L'association des infirmières très sexy qui peuvent vous aider. 3. C'est vous qui me le dites. Association des victimes des accidents corporels. Et on dit merci à Julien Courbet d'avoir meublé pour vous aller chercher en catastrophe sur Internet. Non, c'est pas vrai. Tu plaisantes. Oui, Céline. Si je peux me permettre, c'est même pas tout à fait ça. Voilà. Parce que non seulement il a été chercher la réponse, mais il ne sait pas lire. Alors c'est... C'est l'association d'aide aux victimes d'accidents corporels. Nous faisons le point info. Il est 10h26, mesdames et messieurs. Il se passe beaucoup de choses dans l'émission. Avec le sourire, certes, mais du sérieux et du résultat. C'est ce que nous exigeons de nos équipes. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré avec Véronique. Elle a passé 15 heures dans un aéroport à son retour de vacances. Elle attend d'être indemnisée des 1200 euros auxquels elle a droit. Où en est-on avec Promo Vacances ? Mais en avant, Julien, la direction m'a promis de nous appelé avant 11h, on a appelé l'assurance de l'autre côté et j'ai appelé le tour opérateur en parallèle pour que tout le monde soit au courant du problème. Pourvu que ça se termine bien, que nous pouvons, afin que nous puissions chanter... Vacances, je dors par terre, près des poubelles, la ville est chère. Oh, vacances, j'oublie tout. Nous avons un deuxième cas, c'est celui d'un artisan. Le chantier de Jean-Philippe est à l'abandon, rien n'est fini. Et en plus, il y a de nombreuses malfaçons. Vous pouvez voir des photos édifiantes sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Alors nous avons essayé d'appeler l'artisan, deux numéros, mais ça ne répond pas, Céline. Aucune réponse, on essaye hors antenne avec d'autres moyens. Alors nous allons, je ne sais pas quels autres moyens vous utilisez, mais ne les donnez pas. Nous allons continuer, on dit à Jean-Philippe de patienter un petit peu. Si vous avez quelqu'un, Bernard, vous me faites une alerte et sinon je sortirai bien sur le porte-voix et nous allons revenir sur ce gros dossier que nous traitons, Maître Fellonneau, depuis le début de la semaine. Je pense que nous allons pouvoir redialoguer dans quelques instants. Pouvez-vous nous rappeler le cas de Yelena et de son mobile à home en nous disant par où elle est passée pour le réserver? Alors Yelena est allée sur un site de réservation très connu, booking.com, et là elle voit un mobile home, Julien, magnifique, super moderne, superbe. Elle réserve et quand elle arrive, elle est vraiment très déçue car ça ne correspond absolument pas au produit qu'elle a cru acheter. Elle demande, elle s'en va tout de suite. C'est très important parce que quand elle s'en va, quand on part tout de suite, on peut demander l'intégralité du remboursement. Exactement. Et elle trouve d'ailleurs sur le site de booking.com un autre endroit pour passer les 4 jours de vacances prévus. Et donc, elle a payé deux fois pour finalement une fois de trop. Bien sûr. Alors Bernard, nous avons essayé d'avoir booking.com pour l'instant. Ça n'avance pas beaucoup. Non, parce que malgré les deux mails envoyés, j'ai toujours pas de réponse officielle. Ce qui montre aussi que quand on on passe par une plateforme, attention au suivi derrière, pour prendre l'argent de la réservation, il y a du monde. Pour après demander réclamation, il y en a moins. En tout cas, si, il y a eu du monde. On lui a proposé 25 euros. Ce qui est une honte, voilà, je le dis. Et puis, nous avons eu la dame donc, du camping Vacances Bleues qui nous a hier expliqué que son camping était formidable, etc. Et on ne dit pas le contraire. On dit juste sur ce mobile homme-là, il y a un problème et elle va peut-être revenir. Elle est à l'antenne, Julien, parce que je l'ai eu hier après-midi avec Céline. Super. Elle a semblé être ouverte à la discussion. Oui, mais on va discuter, puis on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas là pour dire aux gens, il faut que vous soyez d'accord avec nous. On est là pour être argument contre argument. A tout de suite sur RTL pour ce moment. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Tremble, frêle Bémix. Je suis l'ignoble Sulfurix. Et je vais venir te chercher dans ton petit studio de RTLX. Oh, je le savais. Il va venir. Un peu de tonus. Daniel Mesguich, alias Sulfurix, et Gérard Hernandez, alias Atmosphérix, sont dans À la bonne heure. Enfin, dans À la bonne heure, alias Jaltest. Et la bonne heure, bah, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France de tricot de vitesse. Non, Noël, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, préparer Noël avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 1er décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman qualité extra 100-125 cm à 14,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Passez un hiver serein, faites entretenir votre véhicule chez Best Drive et profitez jusqu'à 150€ remboursés sur toute la gamme de pneus Continental. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018. Conditions sur bestdrive.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh là là, je crains le pire. Ah, désolé, mais vous allez voir rouge, patron. Demain et après-demain, chez Lidl, ils font la box de tomates apéro box d'un kilo à 2,99€. Moins de 3€ le kilo de tomates apéro ? Tu me mets en boîte, là ? Ah non, en box d'un kilo, patron. Oh là là, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Hé hey papy, c'est quoi ça? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tâche. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Partout Tatis, mais c'est Julien Courbix sur RTL. Alors nous avons d'un côté Yelena qui est en ligne avec nous. Yelena, bonjour. Bonjour. Et nous avons de l'autre, cette dame qui gentiment accepte de nous parler, directrice marketing chez Vacances Bleues, c'est Marianne Young. Alors Marianne, merci d'être avec nous. Hier, on n'a pas pu terminer notre conversation puisqu'on l'a démarré juste avant la fin de l'émission. Donc je vous rappelle que Yelena, simplement, elle a une petite déception parce qu'entre la photo qu'elle a vue sur booking.com et ce qu'elle a trouvé à l'arrivée, où effectivement, il y a toujours plus grave et on trouvera toujours plus grave dans la vie, mais les photos que l'on a vues, elle estime que ce mobilhome n'est pas digne de ce qu'on lui a promis. Donc à partir de là, elle avait demandé un remboursement puisqu'elle est partie immédiatement. Ça n'enlève en rien le sérieux de votre société. Je vous rappelle, madame, que chaque jour, nous appelons des sociétés aussi illustres que AXA, le Crédit Lyonnais, Fiat, Hyundai. Ce n'est pas pour autant que ces marques ne sont pas sérieuses. C'est juste qu'il y a un problème à un moment donné sur un point précis. On essaie de voir comment on peut le débloquer. Donc je vous écoute, madame, et merci en tout cas de nous parler. Certains ne le font pas. Vous n'avez rien à cacher. Vous parlez en toute transparence. Merci Julien et bonjour à tout le monde ce matin. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, nous c'est vrai que on est une petite entreprise, hein, Vacances Bleues. On est 900 salariés, on a un groupe marseillais et c'est vrai que quand on est malmené un peu comme cela, pour nous c'est difficile parce que tous les matins les gens se lèvent et vont travailler pour satisfaire les clients. Et quand on a effectivement cette visibilité où la marque est un peu malmenée, les équipes à Château Laval, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions pour nous et c'est ce que j'ai aussi voulu faire comprendre hier, c'est que notre entreprise, on a 91% de gens qui nous recommandent et donc on a des gens satisfaits. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, par rapport au dossier de Yelena, donc je me suis aussi entretenue avec Booking, hein, puisque aujourd'hui donc c'est Booking qui avait enregistré la réservation, et donc nous avons convenu ensemble donc de procéder au remboursement du montant du dossier de Yelena, donc la part de Booking et la part Vacances Bleues, puisque vous savez que quand on passe par une plateforme de réservation, eh bien effectivement il y a une partie, vous l'avez rappelé, de l'argent qui est directement versé à Booking. Donc nous avons convenu avec Booking que nous allons procéder à l'intégralité du remboursement de Yelena, puisqu'elle a effectivement subi cette déception, que nous, Vacances Bleues, nous n'aimons pas quand nos clients sont déçus, et en l'occurrence, je sais qu'Yelena avait eu un premier contact avec notre directeur pour procéder au remboursement. Ensuite, il y a eu des échanges où effectivement Yelena avait posté des choses sur les réseaux sociaux, donc effectivement ça avait un petit peu compliqué les échanges, et finalement donc nous sommes d'accord pour donner à Yelena le remboursement de son mobilhome à Château-Laval. Merci beaucoup. Alors c'est vrai ce que vous dites, et je comprends qu'après les choses s'enveniment quand les gens postent sur les réseaux sociaux de mauvais commentaires, mais ils postent aussi, alors je ne dis pas que c'est votre cas, je parle en général, ils postent aussi des mauvais commentaires parce qu'ils ont l'impression qu'on ne leur répond pas quand ils disent regardez la situation que j'ai vécue et qu'ils n'ont pas de nouvelles. Dans ces cas-là, ils se déchaînent un peu sur les réseaux sociaux, donc le climat s'envenime et on en arrive à une rupture de dialogue. Oui, moi je voudrais remercier Marianne Young et son directeur général, M. Deschavannes, qui nous ont appelés hier après-midi et qui ont fait le nécessaire pour se rapprocher du distributeur qui est Booking pour trouver une solution. Ils l'ont fait, bravo à eux. Mais bravo, et puis encore une fois, alors déjà, vous avez entendu Yelena ? Oui, très bien. Voilà, vous allez être remboursé, très bien. Encore une fois, vous n'avez pas eu de chance, mais il ne faut pas généraliser. Et je le dis, madame, voyez, à des millions de gens qui nous écoutent parce que vous m'avez convaincu, je prendrai des Vacances Bleues, celles qui rendent les gens heureux. Et je ferai un petit somme allongé dans le beau mobilhome, voyez. Bravo. Et puis c'est tout. Donc je le ferai. Donc bien à bientôt. Bravo, Julien. À bientôt. Bravo, dans un des mobilhomes Vacances Bleues. Vous aviez des talents en plus de chanteur. Non mais voilà. Vous rendez au moins justice à tous ces gens qui tous les matins se lèvent chez nous pour aller travailler. Alors où est-ce qu'on peut aller? Soyons concrets. Les Vacances Bleues, où est-ce qu'on les passe? Alors là, ce que vous pouvez aller, par exemple, cet hiver, vous pouvez aller à Belle-Plagne. Ouais. Donc un magnifique hôtel qui est au pied des pistes. Donc pour passer un très bon séjour. Aujourd'hui même, nous avons une promotion sur notre site Crazy Day. Vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur ce séjour-là. Wow. Donc voilà. J'invite aussi Yelena à revenir chez nous parce qu'elle pourra voir qu'effectivement, nous avons des séjours en Méditerranée. Donc ailleurs, les Palmiers. Nous avons Menton, Nice. Nous avons la côte atlantique. Donc effectivement, de très beaux lieux, Vacances Bleues. Et des gens qui sont globalement très satisfaits à 91%. Donc voilà. J'espère tous vos auditeurs vont découvrir notre belle marque parce que nous sommes une petite entreprise marseillaise, mais nous avons de vraies valeurs. Eh bien, allez sur le site, réservez vos vacances. Merci madame, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à tous. Voilà Yelena, bonnes vacances et repartez avec eux. Vous allez être soignés là-bas, vous allez voir, vous allez être au contraire privilégiés. Je vous souhaite de bonnes vacances, à très bientôt Yelena. Oui. Merci beaucoup, merci. Allez, gros bisous. Nous allons revenir sur le cas de Virginie. Elle a payé 101 000 euros pour la construction de sa maison, mais très rapidement, sa maison prend l'eau. Elle souhaite que le constructeur prenne en charge les réparations. Et je rappelle que tous les auditeurs qui passent à l'antenne gagnent des places pour aller au parc Astérix, gagnent des places pour aller voir le nouvel Astérix. Et regardez, on a essayé de faire un environnement. La programmation, ils sont très forts. Le jour de la sortie d'Astérix, ils programment Mickey 3D. C'est pas fort, ça? Allez, on y va. Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi

Bonjour Julien. Maître Fellonneau, vous vous rappelez bien de ce cas qui est très grave, sûr, et qui nous a vraiment touché, que nous voulons faire avancer. Pouvez-vous nous en dire plus? Virginie, elle a acheté une jolie maison dans un lotissement, une maison neuve, faite par un promoteur. Et malheureusement, dans la région où elle habite, il y a des problèmes de vent. Et lorsqu'il y a ce vent, la pluie rentre. Et on s'est aperçu après une expertise que le promoteur n'avait pas mis le nombre de tuiles suffisantes et surtout n'avait pas prévu l'installation d'un sous-toit qui permet justement d'être complètement imperméable. Alors, nous devions, nous avons appelé, je crois, dans ce dossier, le constructeur Tradi Atlas, qui nous avait dit, je crois également, mais j'ai d'autres maisons dans cette résidence et ils ne prennent pas l'eau. Elles ne prennent pas l'eau. On lui avait dit, mais justement, ce qui prouve bien qu'il y a peut-être un petit défaut sur celle-ci. Nous avions eu également l'assurance dommage ouvrage SMABTP. Le dossier devait un petit peu avancer. Où en est-on, Virginie? On fait un point avec vous. Je crois que vous avez reçu un mail que commentera Nathalie ensuite. Donc j'ai reçu un mail une heure après votre intervention, oui, avec le rapport d'expertise définitif et un devis concernant les travaux. D'accord. Sauf que ce devis, il manque la moitié des matériaux, puisque dedans n'est pas prévu le changement de l'isolation. N'est pas prévu non plus le placo, puisque j'ai appelé l'assurance et pour eux, c'est des éléments qu'ils ne prendront pas en charge. Alors pourquoi ils ne les prennent pas en charge? Est-ce qu'au moins ils vous le disent? L'assurance m'a expliqué que le placo, une fois sec, il n'y avait pas besoin de le changer, qu'il remettrait un coup de peinture comme ça dessus. Alors est-ce que ça irait très bien? Est-ce que Maître Fellonneau, c'est une question, après on verra si peut-être notre expert peut lui-même nous en dire plus, mais est-ce qu'elle pourrait dire « Ok, j'accepte, mais j'insiste », elle l'écrit, sur le fait que vous me dites qu'il ne faut pas changer le placo alors que je pense qu'il faut le changer. Si jamais il y avait d'autres infiltrations, vous reconnaissez que j'avais dit qu'il fallait changer le placo, alors, donc c'est vous qui serez responsable. Ça peut tout à fait effectivement faire l'objet d'une discussion en disant « moi je suis d'accord avec votre indemnisation, mais j'émets des réserves sur le caractère définitif et opportun de votre choix qui est de laisser les placos sécher ». Elle pourrait mettre en attente du séchage du placo pour voir ensuite son véritable état définitif. Moi, je demanderais en fait un petit avis d'un professionnel. On en connaît un qui est très bien pour le principe, s'il est d'accord sur le principe. Bon. Si tout va bien, il y a un protocole d'accord, une acceptation d'indemnité qui est proposée. Là aussi, à titre général, n'ayez pas peur de signer ce document qui vous dit « Ah, vous abandonnez tout recours contre nous, compagnie d'assurance, car c'est une indemnité définitive ». Non, ce n'est pas ça. L'indemnité, elle ne porte que sur le point technique précisément évoqué. Si vous avez d'autres problèmes, l'assurance viendra une nouvelle fois. Et si l'entreprise qui fait les travaux fait des malfaçons, parce que c'est aussi le cas, là, ce n'est pas votre assurance dommage ouvrage qui jouera, c'est l'assurance professionnelle. Virginie, on va faire en deux temps. On va appeler notre expert cet après-midi, on va lui transmettre ça, on va voir si les arguments, ce qui a marqué dans le mail, lui parlent ou pas. Je suis en train de parler, j'ai un téléviseur face à moi, je vous le dis, qui met une pub contre les crises hémorroïdaires et ça me perturbe. Non mais c'est vrai, je vous assure, je suis en train de vous parler, de me concentrer, et là je vois arriver pile face à moi, si vous savez, des hémorroïdes, prenez du Daflon. Mais oui, ok, mais là, je suis en train de régler un problème d'isolation. Ça n'a rien à voir. Donc, on va le donner. Ils sont concernés. Un petit peu quand même. Nous allons envoyer donc ça à notre expert. Ensuite, il y a deux solutions. Soit vous partez dans une procédure qui serait un petit peu longue, soit on suit avec vous, et je m'y engage, le chantier avec le devis qu'ils vous ont donné. Mais on très rapidement, si vous voyez que ça se passe mal, ben on se retournera vers nos amis de Tradi Atlas et de la fameuse assurance SAMBTP. Puis on leur dira, voilà, vous voyez, on vous l'avait dit, il valait mieux changer peut-être le placo, on aurait gagné du temps. Maintenant, ce que je préfère, c'est qu'on ait l'expert d'abord et qu'on rappelle une nouvelle fois, hors antenne, l'assurance pour leur dire, vous êtes vraiment sûr. Donc on peut annoncer que si jamais, sur RTL, ça reprend l'eau, c'est que vous n'avez pas su faire les travaux. Vous me faites confiance, Virginie, là-dessus? Oui, je vous fais tout à fait confiance. On appelle donc Sylvain Baron et on essaie de l'avoir lundi sur l'antenne d'RTL, pour qu'il ait le temps d'étudier tout ça. Virginie, on ne vous lâche pas, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'aller très vite, on appelle tout le monde cet après-midi. Je vous souhaite un bon week-end. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, allez, peut-être que nous aurons d'autres cas à faire dans quelques instants sur l'antenne d'RTL et peut-être celui de Daniel et cette fameuse... C'était une histoire de carte grise. Oui, puisqu'il a acheté un véhicule en mars et payé plus de 7000 euros et aujourd'hui, il n'a toujours pas ni la carte grise ni le double des clés. J'en profite pour le point info rapido, ultra rapido d'ailleurs. Le point sur tous les cas c'est la Minute Info. J'aimerais bien savoir où on en est pour Véronique. Qui a atterri 15 heures après l'arrivée prévue de son vol. Elle attend d'être indemnisée de 1200 euros. J'espère que c'est imminent. J'espère avoir ça avant 11 heures ou dans le courant d'après-midi. Julien, on y reviendra dans tous les cas demain. Ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Ah ben ça, c'est tous les jours. Parce qu'encore une fois, il y a une loi. Promo Vacances doit appliquer cette loi. Promo Vacances ne l'applique pas. Donc ça veut dire que si on prend des vacances chez Promo Vacances, qu'il y a, et il y en aura de plus en plus, hein, ne pensez pas que vous allez passer au travers des mailles du filet. On va tous un jour ou l'autre tomber sur ces vols low cost qui se multiplient et qui ne partent pas passer 17 heures dans un aéroport. On a 4 cas en cours, un cinquième qui est tombé aujourd'hui. Donc quand on prend un forfait, c'est l'intérêt de passer par une agence. Ils doivent rembourser et là, ils ne le font pas. Donc attention, Promo Vacances, dites-nous pourquoi vous ne remboursez pas. Oui, et puis j'en profite, Julien, pour appeler à Vueling, Volotea, Wizz Air et maintenant Smartwings, qu'il y en a marre de ces compagnies qui ne font pas l'effort de soigner leurs clients et qui leur prennent pour du bétail. Voilà. Allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL pour ce cas. Cette année encore, la sécurité routière est partenaire des pros ont du talent. Pierre Terquem, vous dirigez GMT Conseil à Pau et vous avez remporté le 15 novembre dernier le premier prix du pro de la sécurité routière. Félicitations. Merci. Nous sommes très fiers de voir effectivement que les engagements que nous avons pris en faveur d'une route plus sûre sont aujourd'hui récompensés. Et vous pouvez nous donner des exemples ? Parmi les nombreux engagements que nous prenons dans l'accompagnement de nos collaborateurs, nous organisons l'activité de l'entreprise afin qu'il n'ait pas plus d'une heure et demie de déplacement et prenons en charge l'hébergement à proximité de leur rendez-vous. Un autre de ces engagements est d'accompagner les collaborateurs dans la sensibilisation d'une bonne conduite et notamment la non-utilisation du téléphone. Merci beaucoup Pierre. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Bonne journée avec RTL. Au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Lindt, Ferrero, Kinder. Non mais 8 euros en bon d'achat. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, avec votre carte Carrefour, profitez de 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75 euros d'achat. Modalité et magasins participants et ouverts sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Moi, je suis moi-même au fil et je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait 4e au championnat de France de tricot de vitesse. Non, Noël, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, préparer Noël avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 1er décembre, Gamme Vert vous propose le sapin Nordman qualité extra 100-125 cm à 14,95 € seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Bonjour, c'est Pierre d'M6 Boutique. Je vous attends samedi 1er décembre pour une émission spéciale Faites plaisir au marché de Noël d'M6 Boutique. Découvrez notre sélection pour les fêtes avec des promos allant jusqu'à moins 70%. Alors faites-vous plaisir avec M6 Boutique le samedi 1er décembre à 7h40. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la Voie lactée, ses mystères, ses constellations de pralinés et son chocolat. Oh, son chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes Voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 grammes, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tout à 10. Mais c'est Julien Courbix sur RTL. Alors vous savez que Noël approche. D'ailleurs, vous avez dimanche soir chez nos amis et patrons d'AM6 une émission qui s'appelle Capital, dans laquelle nous allons vous parler de ces possibilités d'acheter vraiment à petit prix encore des cadeaux. Moins 60% sur des articles Playmobil, Poupée Barbie. Nous avons trouvé des filières et c'est du vrai. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Nous allons décrypter ça. Et le luxe également avec les parfums. Comment font les parfums justement pour lutter contre les imitations, les contrefaçons? Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant, c'est dimanche soir. Et Noël, le 24, vous êtes peut-être seul, vous serez peut-être en voiture ou vous aurez besoin d'une ambiance musicale. Eh bien, le 9h30, 11h, tous mes amis qui sont autour de la table vont venir pour 2 heures de musique, pas forcément que de la musique de Noël, de la musique festive, pour que ceux qui sont seuls ne le soient plus. On sera là avec eux comme si on était en famille et on écoutera des trucs qui nous donnent envie de chanter, qui nous donnent envie de danser, qui nous donnent envie de nous embrasser, comme celui-ci, pourquoi pas. Est-ce que vous vous rappelez de ce titre? Monde Kane, New York After. Nous, nous d'ores et déjà, joyeux Noël à tous. On a Sunday, went to a city hoping this would be the one day. New York afternoon, took the subway. Went to the village, Chinatown, and walked down Broadway. On a day in June, this is our day. Here in Manhattan, everyone is fine. L'esprit de Noël est déjà dans le 9h30-11h. Rendez-vous le 24 aux alentours de 20h pour 2 heures de musique pour ceux qui ont envie d'avoir un peu de compagnie par le biais de la radio. C'est le moins que vous doit votre radio RTL. Le cas de Daniel, nous y revenons. Que nous avait dit Daniel? En mars, il achète un véhicule plus de 7000 euros. Aujourd'hui, il attend que le vendeur lui envoie la carte grise et le double déclic. Et Daniel est en ligne avec nous. Daniel, bonjour. Oui, bonjour à vous et à votre équipe. Bonjour Daniel. Daniel, vous avez une famille? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme famille? Ah, comme famille, j'ai 5 enfants. Combien? 5. Waouh, voilà, il va falloir qu'on donne des coups de fil alors. Ça me met un peu dans la mouise votre histoire. Parce que j'ai 4 entrées pour le parc Astérix. Ah, bon, peut-être que vous pouvez en rajouter une petite vous-même. Et j'ai aussi 4 entrées pour aller voir le film. Oui, d'accord. Ben voilà. Mais c'est pas pour ça que vous nous appelez, je le sais bien. C'était le petit bonus. Oui, oui, oui. C'était The Cherish and the Cake. Daniel, donc, plusieurs passages, dont un le 22 octobre, où nous avions eu M. Marc Isoard, l'ancien propriétaire du véhicule, qui faisait tout pour récupérer la carte grise. Où en est-on, Daniel, dans cette histoire de carte grise? Là aussi, on parle des compagnies low-cost d'avions qui ne partent pas et qui vous laissent dormir pendant 17 heures dans le hall de l'aéroport et qui ne vous remboursent pas. Ça se multiplie. Deuxième cas qui se multiplie, c'est ces cartes grises. Vous achetez des véhicules et on ne vous les donne pas. Où en êtes-vous, Daniel? Il n'y a toujours rien. Bon, bah, après l'émission, il m'avait donné rendez-vous. J'avais été le mardi et passé le contrôle technique. Arrivé là, bon, bah, il m'a donné les papiers, il m'a donné la carte grise, tout. Et il m'a envoyé voir M. Isoard pour valider et tout, quoi, pour faire la carte grise et tout. Il a tout gardé, puis j'ai toujours pas de carte grise. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'adresse à qui pour vous, Daniel? Ah bah, je pense que les papiers, c'est M. Isoard qui les a. Mais j'ai appelé tous les deux jours. Et il me dit, bah, M. Bastianelli doit venir. Et à chaque fois, il me dit, oui, il est venu, mais il ne m'a rien donné. Il ne l'a pas payé. Alors, encore une fois, hein, tout a commencé par un petit vendeur. Je n'ai rien contre eux. Il y en a forcément des sérieux. Mais renseignez-vous, les gars. Parce que ça, vous l'auriez acheté dans une concession Renault, qui est un parc d'occasion. Vous l'auriez acheté dans une concession Citroën, Peugeot, Fiat. On n'aurait pas ce problème-là. Et tant que vous n'avez pas la carte grise en main, vous ne donnez pas le chèque. Vous demandez à la voir. S'il ne l'a pas, vous ne le faites pas. Nous rappelons et nous le rappellerons M. Marc Isoard pour qu'il nous donne sa version des faits. Alors, il doit y avoir beaucoup de Marc Isoard en France. Je ne sais pas très bien où se situe celui-ci. Allô. On le sait ou pas? Oui, allô. Monsieur Isoard, oui. Julien Courbet à l'appareil. Bonjour. Nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur Isoard. Je suis avec Daniel Colson. Comment peut-on sortir de cette histoire de carte grise, monsieur Isoard, s'il vous plaît? Non. Et comme vous dites, c'est aussi ce qu'il dit, lui, qui a fait un chèque et qui n'a toujours pas sa carte grise. Monsieur Isoard? Oui, je suis là. Alors, je ne sais pas, vous pouvez donner une solution à ce monsieur? Cette carte grise, elle est où? C'est moi qui l'ai. Mais pourquoi vous ne lui donnez pas, monsieur? Il le sait, vous le savez très bien. Mais non, je ne le sais pas. Redites-nous-le. Pourquoi? Parce que mon dossier n'est pas encore soldé. D'accord, donc vous avez vendu une voiture qui est... Parce qu'en fait, le vendeur qui l'a vendue à notre auditeur n'a pas payé M. Isoard. Et c'est lui qui a vendu la voiture à notre auditeur. Et donc il attend simplement que ce premier vendeur, qui est M. Sébastianelli, paye effectivement les frais de carte grise. D'accord, c'est alors il faut qu'on problème. Retourne donc chez M. Sébastianelli. Tant qu'il ne vous aura pas payé, vous ne donnerez pas la carte grise. Il doit le faire incessamment. Il a eu quelques soucis de trésorerie, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il doit le faire incessamment. Moi, je vais vous dire, monsieur, je trouve ça honteux qu'un professionnel vende une voiture qu'il n'a même pas payée, même s'il a des problèmes de trésorerie. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'il plombe quelqu'un qui paie. Donc, on va continuer à vous rappeler. Je n'irai pas jusque-là aujourd'hui. Si, moi j'y vais, monsieur. Je vous le dis. Voilà. On ne vend pas quelque chose qui ne nous appartient pas quand on ne l'a pas payé. C'est pas bien. Depuis mars. Donc, monsieur Isoard et monsieur Bastianelli, on reviendra sur l'antenne d'RTL la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est planté. Donc, tant que ça ne sera pas résolu, on ne laissera pas tomber. Donc, on appelle M. Sébastien Bastianelli, 3 rue Clément Adair, à Moncel-et-Lunéville, de Design Automobile, à bien vouloir aller payer M. Isoard pour que l'on puisse avancer. En tout cas, ça ne donne pas envie d'acheter des voitures là-bas, je vous le dis. M. Isoard, merci. Maintenant, si vous pouviez faire un petit effort et lui dire « Je te donne la carte grise et moi, je vais m'arranger avec Sébastianelli », ça serait formidable. Vous le récupérez, Bernard, à tout de suite. Auchan. Et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan.